meurtrice mais l'amour et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée. Enfants de tout pays, bonjour, vous êtes bien sur Radio Fagette Nancy, 94.2. Oui, il est à la technique, c'est Yves. Daniel en votre compagnie pour vous présenter Patchwork numéro 26, à l'écoute des musiques du monde. Alors le programme d'aujourd'hui, un petit peu de zouk, un voyage musical en Indonésie, trois coups de chapeau à Angoon et une promenade en chanson autour du mot papou. Pourquoi papou? Parce que papou. Place au zouk. Chanteuse et danseuse, Layana est d'origine anglo-mauricienne. Bercée dès son plus jeune âge par la musique et la danse, elle réalise aujourd'hui son rêve en suivant les traces de sa mère, elle-même chanteuse. Ses influences musicales sont très soul, R&B et caribéenne. Toi et moi, Layana. La République d'Indonésie est un pays transcontinental principalement situé en Asie du Sud-Est et composé de 13 466 îles dont 922 sont habitées et c'est le plus grand archipel du monde et une population de 265 millions. Enfin, le quatrième pays le plus peuplé du monde et le premier pays à majorité musulmane pour le nombre de ses croyants. Alors, l'Indonésie a des frontières maritimes avec Singapour, la Thaïlande, Palaos, la Malaisie, les Philippines et l'Australie. Les plus grandes îles sont Java, Sumatra, Bornéo, la Papouasie occidentale et Sulawesi. L'île de Bali et ses 4 millions d'habitants est une véritable destination touristique internationale de l'Indonésie. On pourrait même considérer qu'il y a beaucoup de monde, peut-être un peu trop de monde. Je parle des touristes, bien entendu. Les villes les plus importantes sont Jakarta, la capitale de l'île de Java, avec 9 millions d'habitants. Surabaya, 3 millions. Medan, Bandung et Bekasi comptent environ 2 millions d'habitants. L'Indonésie abrite des centaines de groupes ethniques parlant leur propre langue, mais depuis son accession à l'indépendance, on n'emploie plus qu'une seule langue pour l'administration et l'éducation, et cette langue-là, c'est l'indonésien. Le salaire moyen, vous voulez le savoir ? Ben oui, je vous le dis. Le salaire moyen mensuel correspond à 250 euros. Allez, une chanson indonésienne, Anak Pante Imanez. premier coup de chapeau pour Angoun. Angoun, vous savez ce que ça signifie en javanais ? Non ? Parlez pas le javanais. Alors Angoun, ça signifie rêve gracieux. Et Angoun, elle est née en 1974 à Jakarta. C'est donc une chanteuse franco-indonésienne. Sa carrière de chanteuse a démarré, elle était toute jeune, elle avait 7 ans, et elle enregistra son premier disque destiné aux enfants. À 20 ans, elle a grandi bien sûr, Angoun rêve de conquérir le public international et décide de quitter le pays. Elle restera 6 ans à Paris. Tua, quel acquis Angoun. sur des paroles de François Liénas, composées par Noël Roux, une chanson de 1960. Monsieur Blanc, jamais de repos, 7 heures du matin, déjà au boulot. Fatigué avec tout ce bruit, n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Et ça, ça me fait penser aux travaux qui bordent actuellement la rue de Nabécor à Nancy. Ah oui, du bruit et de la poussière. Mon Dieu, ben y en a que pour 5 ans. Hein. Les Papous Bourville. Monsieur Blanc, jamais de repos, 7 heures du matin, déjà au boulot. Fatigué avec tout ce bruit, n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit pois. Papou, papou, de papou, de papou, gentil comme tout. Dans un coquillage d'argent, écoute chanter l'océan. Papou, papou, de papou gentil comme tout. On cueillit pour s'habiller des guirlandes d'orchidées. Monsieur Blanc, courir pour manger, courir pour travail, courir pour aimer. Monsieur Blanc, regardez 100 fois si la petite aiguille, elle est toujours là. Et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit pois. Papou, papou, de papou gentil comme tout. Donner du mouvement, danse, danse dans le vent. Papou, papou, de papou gentil comme tout. On cueillit pour déjeuner un panier de fruits dorés. Monsieur Blanc, pilule pour le cœur, pilule pour le foie, pilule pour ta sœur. Tout l'argent donné au docteur, donné avocat, donné percepteur. Et là-bas, là-bas, tout là-bas, dans une île grosse comme un petit pois. Papou, de papou gentil comme tout. Passe le temps à s'embrasser en se frottant le bout du nez. Papou, papou, de papou gentil comme tout. S'endorme sur un lit de fleurs sans connaître leur bonheur. L'Indonésie est un pays très varié. Des plages, des jungles, des temples, la faune, etc. Et avec des milliers d'îles, on est bien obligé de faire des choix. Alors nous avons sélectionné 5 destinations à ne manquer sous aucun prétexte. La première destination, Borobudur, sur l'île de Java. Oh, pour son atmosphère, un immense temple bouddhiste, temple magnifique et impressionnant, mais le plus apprécié, c'est l'ambiance qui y règne. Le mieux est de s'y rendre à l'aube, et du sommet du temple, on trouvera le calme, la brume et des paysages alentours absolument fabuleux. Deuxième destination, le Bukit Lawang, sur l'île de Sumatra. Alors là, on l'a choisi pour son isolement, et c'est orang-outan. L'activité principale consiste à partir pour la journée, ou 2 jours éventuellement, au beau milieu de la jungle, Et le clou du spectacle, c'est la rencontre avec les orangs-outans. Or, généralement, la randonnée se termine par une descente de rivière dans des bouées. Bon, c'est amusant. Hein, amusement garanti. Troisième destination, les volcans Bromo et Kawalin, sur l'île de Java. Assister au lever du soleil est un moment merveilleux, avec des changements de lumière permanents. Et puis, Bali, bon, passage obligé pour les touristes, mais très encombré. Alors, bon, on dégotera Hamed, un petit village de pêcheurs à l'est de l'île, et on en prendra plein les yeux, avec des paysages à couper le souffle et des plages de sable noir magnifiques. Enfin, mais il y a bientôt bien d'autres destinations. Enfin, je vais encore vous parler des Gilis, pour un peu de farniente, pour se poser un peu et profiter de ne rien faire pendant quelques jours. Les Gilis sont trois magnifiques petites îles à quelques heures en bateau de Bali. Ici, pas de voiture, mais des vélos, des piétons et des bœufs. Une plage paradisiaque, des fonds marins magnifiques et, ce qui gâte rien, de bons restaurants en bord de mer. Rastafara, tonique. Deuxième coup de chapeau à Angoon. Alors le succès arrive avec le titre « La neige au Sahara ». Bon, c'est un tube de 1997 et nous retrouverons cette chanson dans l'émission La Cerise sur le Canto lors d'une prochaine émission. Disque d'or en France, double platine en Italie, sorti dans 33 pays, il atteint le chiffre de 1 million de ventes en Indonésie. Depuis qu'elle est en France, on a pu voir son nom accolé à de nombreuses causes humanitaires et c'est ainsi qu'elle est choisie en 2012 pour représenter la France au concours de l'Eurovision. Wouf ! Avec sa chanson Echo, elle se classera 22e sur 26. C'est pas le triomphe. Hein. Une grande déception pour Angoune. Allez, nous préférons vous proposer son duo avec Angélique Kidjo, née quelque part. Angoune, Angélique Kidjo. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Être né quelque part, c'est parti quand on veut, revenir quand on part. Chanson de 1988, extrait de l'album Perles et Bijoux. C'est la nuit des fous, c'est la nuit papou, nuit papou, Richard Gottener. Jungle papa, il y a tarentule, cacato et si bas au bas. Bon, allez, on va vous mettre en appétit. Vous avez faim, c'est normal. La nourriture en Indonésie. Alors, le riz, c'est l'élément de base. Hein. Et le nasi goreng, c'est le plat national. Alors, c'est du riz avec des œufs, des petits morceaux de viande et de légumes, ou encore des crevettes. D'une manière générale, la nourriture indonésienne est riche, surprenante et variée. L'Indonésie étant un archipel, on y consomme beaucoup de poissons, et beaucoup de crustacés. Des épices sont largement employées, et notamment le curry. Les spécialités, allez, pour vous faire saliver. Le longton de riz aggloméré sous forme de cubes servi dans des feuilles de bananier. Le gado-gado, une salade de légumes cuits, épouse de soja, parfois très épicée, accompagnée d'une sauce aux cacahuètes. Les krupuk, grosses chips de crevettes, qui tiennent lieu de pain d'ailleurs. Le sambal, t'as pas sambal ? Non. Des piments, pilés avec de la pâte de crevettes et du jus de citron. Alors là, c'est l'incendie assuré. Et pour l'éteindre, inutile de boire de l'eau. Cela ne ferait qu'attiser le brasier. Il est préférable de manger rapidement du riz blanc ou de la banane. Pour les fruits, ben, y a les avocats, la carambole. Vous savez ce que c'est la carambole ? Vous savez, c'est jaune, on coupe en tranches et ça fait des étoiles. À ne pas consommer pour les femmes enceintes. Les pépins sont toxiques. Le gerungo, alors c'est un fruit mi-pamplemousse, mi-orange. Les noix de coco, le mangoustan, qui passe pour le meilleur fruit exotique du monde. Le ramboutan, c'est le litchi poilu. L'ananas, la papaye, la banane et la mangue. Boisson, le vin de riz. Le lassi, une boisson à base de yaourt fermenté. Le thé et les jus de fruits et le green scent, une boisson gazeuse très rafraîchissante. 1% d'alcool dans un mélange de pommes et de citron. À boire néanmoins avec modération. Chanson indonésienne. Le titre, il est trop compliqué pour moi. L'interprète, c'est Ahmed Dhani. istri tua, karena sayang padamu. Oh, kepada istri muda, I say I love you. Istri tua merajuk, balik ke rumah istri muda. Kalau dua-dua merajuk, anak kawin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberang. Oh, tetapi jangan sampai hai pecah tembelang. Istri dua, oh seperti dunia Anna yang punya. Kepada istri tua, tanda sayang padamu. Oh, kepada istri muda, I see I love you. Istri tua merajuk, balik ke rumah istri muda. Kawin tiga, meski pandai membohong, mesti pandai tembirang. Oh, tetapi jangan sampai hai pecah tembirang. Troisième coup de chapeau à Angoun. Angoun est la solidarité. Elle est impliquée dans de nombreuses causes. Et en 2004, elle reçoit la médaille de Chevalier des Arts et Lettres en France et devient porte-parole de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre d'un programme destiné à lutter contre le sous-développement. En 2009, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Et depuis 2015, elle est marraine de l'association Aviation sans frontières, ce qui ne l'empêche pas de chanter en duo avec Laurent Pagny, Nos vies parallèles. Cojo el tren y pienso en ti. ¿Dónde estás tú? J'ai besoin de faire un break. Je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. Chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. Chemin, j'oublie ma peine. leurs cris de guerre, ils font la chasse aux autos. Ils grimpent au réverbère pour cueillir des noix de coco. Eh, après tout, les papous sont des gens normaux. Alors une chanson humoristique, antiraciste et qui appelle à la tolérance, c'est Marie Dauphin qui s'y colle, il y a les papous. Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Il y a plein de papous dans les bars, dans les bus, dans ma boîte à cachou. Manitou, Satanas, il en sort de partout. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de papous. Y'a des papous, est-ce que c'est normal? Ouais, normal. Y'a des papous, partout dans les rues. Wow. Y'a des papous, même qu'ils sont tout nus. Oh. C'est bizarre les histoires qui circulent partout. S'ils nous touchent, paraît-il, on devient des papous. Paniquer, prennent leurs jambes à leur cou. Moi ça me fait rigoler, j'ai pas peur des papous. Avec leur sarbacane, ils dansent autour des gratte-ciels. Et comme sur des tam-tams, ils frappent sur les militaires. Y'a des papous. Allô, général? Appelle-moi Victor. Y'a des papous. Est-ce que c'est normal? Tu battais. C'est papa, c'est pas du tout ce que tu crois. Je te présente Maximilien, c'en est un. Avec leur cri de guerre, ils font la chasse aux autos. Ils grimpent au réverbère pour cueillir des noix de coco. Y'a des papous. Allô, général? Encore? Y'a des papous. Est-ce que c'est normal? La terre. Que ramener d'un voyage en Indonésie? Bon, le tissu artisanal indonésien, ce sont des textiles uniques au monde, très travaillés, très colorés, en coton, en lin ou en soie. Ils sont constitués de multiples détails. Alors, il est possible de s'offrir une tenue vestimentaire traditionnelle dans la coupe et la couleur de son choix, à porter au beau jour en France, pour ne pas passer inaperçu et faire très forte impression. On peut aussi se contenter de ne ramener que les tissus, puis on verra après. On pourra aussi opter pour de magnifiques nappes ou napperons et autres serviettes de table. Et puis les batiks, vous savez, les batiks, c'est les impressions sur étoffe. Les batiks les plus typiques d'Indonésie, où chaque motif est dessiné puis teint à la main, et ils font souvent référence à l'histoire et aux traditions. Ils sont en tout cas porteurs d'un symbolisme fort. L'Indonésie, c'est aussi un artisanat riche, tant par la diversité de ses produits que par leur qualité, leur singularité et leur esthétisme. Sculpture sur bois, travail de la noix de coco pour les objets d'art ou les objets du quotidien. Vous allez trouver des lanternes, des photophores, etc. De beaux bijoux en or ou en argent, et tout est fait à la main. Chaque modèle est unique, sans oublier les bijoux fantaisie en bois ou en perles. En Indonésie, chaque événement de la vie est célébré en musique aussi, en chanson et en danse. Et les instruments de musique sont le gong en bronze, les flûtes en bambou et les instruments à cordes rudimentaires. Alors, si vous voulez organiser un gamelan, un gamelan, c'est quoi? Ben, c'est un orchestre javanais, hein, ou balinais. Si vous voulez chez vous organiser un gamelan, eh bien, vous n'avez plus qu'à en ramener. En alimentation, différentes sortes de riz exotiques, sucre de palme, fèves, café, gousses de vanille, qui ne manquera pas de rehausser votre cuisine. Allez, une chanson indonésienne, Aku Wanita Biasa Chizayanti. Mapapou, le dernier disque de Marc Lavoine, propose une ode légère et souriante à l'amour, une ode légère et souriante aux femmes. Mapapou, Marc Lavoine. Mapapou, poupée moitié indo-chinoise, 50 française, mon dernier rendez-vous, mon ultime hypothèse. Peut-être es-tu l'œuvre perdue de Velasquez. Ma papou, mon drôle de numéro 396. Voudrais-tu sauter en du haut de ces falaises, comme les oiseaux dans les eaux du Péloponnèse. Tu chantes à l'hymne, bijou, bijou, aux fine, j'ai un succès fou. Initials BB, Jen B, Bambou. Ma lady héroïne, paradis, à rendez-vous. Ma papou, ma papou. Poupée moitié indo-chinoise, 50 française. Je prêche pour ta paroisse, prélat de ton diocèse. Et tant pis si tout ça finit au Père Lachaise. Ma papou fait son striptease pour préparer mon steeple chaise. À redresser la tour de Pise, il est chaud le showcase. Plus chaud dit-on que le piton de la fournaise. Tu chantes Aline, bijou, bijou. Osée Joséphine, j'ai un succès fou. Initials BB, Jenny B, Bambou. Voilà, c'est fini pour ce matin. C'est ainsi que prend fin Patchwork. Il me reste à remercier Yves pour la réalisation technique et vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pourrez, durant toute la semaine, retrouver le podcast de cette émission en vous rendant sur le site de Radio Fagette Nancy. Le prochain Patchwork, eh bien, c'est dans 15 jours. Et dimanche prochain, nous vous espérons fidèles à la cerise sur le canto. En attendant, soyez heureux et branchés à l'écoute de Radio Fagette Nancy 94.2 pour les Lorrains et pour les autres Européens sur le net, fagette.net en ligne. Allez, au revoir.